Reggie, non, non, t'es basse. Putain, c'était trop fort, il était trop fort, il est trop fort. Putain, mais non. J'allais lui dire qu'il était trop fort en plus là. Oh là là. Putain, j'ai rallumé mon micro pour lui dire qu'il était trop fort. Putain, fais chier. Thank you. We've lost the voice. We've lost the voice. Thank you.

non? Yeah. Thank you.